émission corrosive. Pas le temps de jouer, demande pas de fit si t'es pas doué. Tu peux payer ton shit, mais ça va pas mal me souiller. Dans le rap, beaucoup de types se sont fait douiller. Le succès court vite, pour le rattraper, faut se couiller. Choisis bien ta clique, évite les mecs, nous à flot rouillé. Écoute bien l'équipe et constate qu'on s'est débrouillé. On baisse ni les bras, ni la tête en cas de bouillant. Le truc c'est garder son sang-froid même quand c'est bouillant. Le hip-hop s'est fait souiller, pour des sous, beaucoup d'MC l'ont couillé. Maintenant même les types veulent l'enculer. Pas le temps de calculer, on sait que le rap a le culage. Tu peux entendre hurler les petits, putain notre passage. On parle pas, 4 plaques, un mic, un beat et basta. Travaille ta technique, polo, baisse la tête et barre-toi. Je fais pas le quoi, donc casse-toi. Poésie, Mephisto, gars, Wano, YB, énervé en mode hack-là. Moi c'est le Wano, man, là je m'éloignais. Là je témoignais d'une vie sale où je démolis ça. C'est la monnaie, on connaît, on s'arme comme les condés. Les gars, on reconnaît même pas, on arrête pas de déconner. Le rap, tout le monde peut le faire, alors rentre dans ta chambre. Si tu fais ça sale alors qu'il y a pas d'étachant. C'est la merde, mais on le sent pas, on s'empare du mic même si on n'a pas sans barre. Dis-moi le contraire sans blague. Sans bling bling, on pose des rimes. Cous, ose tester quand on pose la tuerie. On n'est pas là pour blaguer, mais pour choquer et pour kicker. Ok, on faut t'expliquer. Mec, c'est la même, c'est la mort que t'as au bout de la vie. C'est le mur que tu te prends quand t'avances trop, à mon avis. Je déballe tout quand je déboule à le c'est tout. Écoutez toutes les phrases surtout. Plus le temps de jouer. Remballe tes clics et tes claques. C'est ma clique qui te claque, mes bigots et mes plaques. Pas de blague. C'est pour les mecs de nos boîtes, on kick sur le mic pour ceux qui kiffent le bon rap. Tant jouer. Envale tes clics et tes claques, c'est ma clique qui te claque, mes bigots et mes blagues. Pas de blague. C'est pour les mecs de nos boîtes, on kick sur le mic pour ceux qui kiffent le bon rap. Attends, ouais, je mec, fils quand je speed, c'est easy dans les projets, rien à foutre quand je gagne ce beat. J'ai trop de dièses en attente, des fans qui m'attendent, donc en bref, j'ai des albums à vendre, t'inquiète. Ceux qui n'ont pas cru en moi, ils sont dead. Tous ces phases qui jappent sur moi, ils seront tous raides. Me stopper dans mon buzz serait posé, j'ai pris le taureau par les pattes, le pire c'est que je l'ai baisé. Ils savent pas ce qui m'anime, mais qu'est-ce qui m'arrive. Je suis en kiff sur un move à la dérivée. Mon équipe fout des coups d'épaule. Manque de bol pour les stars, on incruste le nouveau pôle. YB, NEH, Mephisto Poésé. One touché ish pour taper les lâches. 2007 en mode révélation. Écartez les gosses et vite, y'a plus de temps, faut traquer les boss. Ça les frères épaulés, plus le temps de rigoler. Ouais mon pote, nous c'est vers le top, on veut s'envoler. Emballer, vous salade, car c'est de la rigolade. En balade, notre son explose comme une grenade. Bad, blasto, affaires sérieuses. Les tiers se creusent, mais là on veilleuse. Violent, brûlant, de speed est trop lent. Au volant c'est affolant, les faux bêtes, les boulons. Des boules à fond, fait couler du flow. Mais les pendules à zéro, trop faibles les rivaux. On vient représenter nos rôles, affûtés sont les gros. Je butais avec le micro et briser l'écran. Les MC poussent des cris d'horreur, nous écrivent des cœur. Bousille le sang pleure, t'inquiète fils, c'est notre heure. Ouais, non, mes fistos, YB et Nervi. Mais de cérémonie, on punit les Tommy.